Salut à tous, vous êtes bien sur RDL 68 au 103.5 dans tout le centre Alsace. Je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine à 7h pour une toute nouvelle émission. Une émission musicale où l'on décrypte en quelque sorte les chansons. Qu'y a-t-il derrière celles-ci? Quelle est leur histoire? Leurs origines aussi? Comment sont-elles nées? Que racontent-elles? Comment traduire les paroles en langue étrangère? Eh bien, vous êtes bien sur RDL 68. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Et au sommaire de cette émission, une décennie égale une chanson très connue que vous connaissez forcément et vous allez découvrir ce qu'elle cache. C'est effectivement en quelque sorte le concept en fait de l'émission. On va ainsi démarrer par la décennie 1960, on va ensuite continuer jusqu'à la décennie actuelle, celle de 2010. Alors on commencera la toute première chanson qui sera diffusée, eh bien ce sera Et maintenant de Gilbert Bécaud puisqu'elle date des années 1962 précisément. Suivra ensuite la chanson spéciale année 1970. On fêtera les 40 ans de la chanson Roxanne The Police. Puis viendra la fameuse chanson Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman. Cette fois promis, vous l'entendrez en entier. Et puis Sensualité d'Axel Red pour les années 1990. Calogero avec En apesanteur qui date de 2002. Et puis on terminera ce parcours en quelque sorte des 6 décennies avec évidemment l'actuelle, la décennie 2010. Et une chanson du DJ suédois Davichi, Wake Me Up, puisque le DJ suédois Avicii est décédé le vendredi 20 avril 2018. On l'a appris le lendemain, à seulement 28 ans. C'était un très très grand DJ. Je vous le présenterai bien évidemment à la fin de cette émission. Et puis on entendra donc son plus grand tube. Si jamais là comme ça vous vous souvenez plus forcément quelle est cette chanson, elle date de 2013, eh bien on se rafraîchira la mémoire ensemble et puis on se rappellera ainsi donc de cette chanson. Et puis viendra ensuite la chanson numéro 1, top du moment. C'est la même de Maître Gims et Vianney. Le clip est d'ailleurs sorti également le 20 avril dernier. Une chanson très très connue à l'occasion de la sortie du nouvel album de Maître Gims. Et puis suivront également un hommage à Jacques Higin qui lui aussi est décédé. C'était au début du mois. Vous écoutez bien RTL et on est ensemble pendant une heure. C'est parti, on débute tout de suite cette émission. Avec donc une toute première chanson, une chanson de Gilbert Bécaud. On débute ainsi toujours l'émission avec la chanson la plus vieille je vais vous diffuser. Eh bien, c'est donc Et maintenant de Gilbert Bécaud. Elle date de 1962, c'est vrai que c'est une chanson qu'on peut chanter quand on ne sait pas quoi faire, en se demandant, après tout, et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, l'idée de ce classique de Gilbert Bécaud est venue justement de ce questionnement. Lors d'un vol Paris-Nice, Bécaud a pour voisine l'actrice allemande Helga Andersen, qui se rend dans le sud chez son fiancé. Alors, il la retrouve le lendemain dans le même avion, en plein chagrin d'amour, son fiancé l'ayant quitté. Et pour lui remonter le moral, il lui offre un café au lait. Alors, celle-ci répète à chaque fois, sans cesse, à ce moment-là, cette phrase « Et maintenant, que vais-je faire ?» Et puis, de retour à Paris, Gilbert Bécaud, il sent que là, il tient quelque chose. Donc, du coup, il narre la situation à son parolier, Pierre Delanoé, en lui demandant d'écrire des paroles, tout en s'inspirant de ses mots et de la musique qu'il a lui-même composé. Et maintenant, résultat, c'est le plus grand succès du chanteur. Il avait 35 ans à l'époque et puis il était jusqu'alors principalement connu pour deux titres, donnant son nom à deux émissions phares de l'époque. Il y avait Salut les copains et H tendre et Tête de bois. Alors, Et maintenant est devenu l'une des chansons françaises les plus célèbres dans les pays anglo-saxons. Notamment par les adaptations quasi immédiates en 62 de Shirley Bassey puis de Frank Sinatra, en 1966 sous le titre What Now My Love, Que faire maintenant mon amour, si on traduit littéralement ce titre, même que le crooner américain la réenregistre en 1993, des années plus tard, cette fois-ci en duo avec la grande Aretha Franklin, une chanson culte du répertoire français adaptée donc en anglais qu'on écoute sans plus attendre en français, même si ça n'a pas empêché un parolier de l'Hexagone, pas très futé d'ailleurs, de faire les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation d'adapter la chanson What Now My Love en français, alors qu'elle est déjà en français avec cette grande chanson. Voici donc, et maintenant, c'est Gilbert Bécaud sur RDL 68. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. C'était Gilbert Bécaud sur RDL 68 avec donc le célèbre Et maintenant. Alors Gilbert Bécaud, ça fait longtemps déjà, et oui, hélas, j'ai presque envie de dire qu'il est décédé, puisqu'il est décédé le 18 décembre 2001. C'était il y a bientôt 17 ans, à la fin de l'année en tout cas. Il est décédé à 74 ans au passage, le même âge que Johnny Hallyday. Et puis 15 ans après, Gilbert Bécaud donc vient un très très grand titre qui sort en 1978. On célèbre les 40 ans cette année, puisqu'effectivement c'est en avril 1978 que ce titre sort, et puis d'un groupe britannique très très connu, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. Le chanteur du groupe d'ailleurs reste connu pour faire une carrière en solo, je veux bien sûr parler du groupe The Police. En 1978 sortait donc la chanson Roxanne, que nous allons sans plus attendre écouter juste après vous raconter quand même la création et l'enregistrement de cette chanson, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes à dire sur cette chanson. Alors dans un premier temps, la création évidemment de la chanson, elle a été écrite à Paris par Sting en octobre 1977. Il jouait dans un club en fait, où il voyait passer des prostituées près de l'hôtel miteux du groupe, et sur une affiche accrochée dans ce fameux hôtel, eh bien il y avait Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Et quel est le prénom, un prénom féminin dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand? Eh bien Roxane, eh oui, et c'est de là que vient le célèbre prénom de la chanson. Alors vous allez entendre, hein, notamment je crois dans les premières notes hein, de cette chanson, Roxane, you don't have to put on the red light, Roxane, tu n'es pas obligé d'allumer la lumière rouge, en fait ça renvoie à la lanterne rouge allumée dans les établissements de prostitution. On voit donc que cette chanson n'est pas vraiment une chanson très joyeuse, sans doute, hein. En même temps, elle a 40 ans déjà, et cette chanson a d'abord été pensée comme une bossa nova, avant d'être une espèce de chanson rock comme on la connaît aujourd'hui. Et concernant l'enregistrement donc de cette chanson, alors au début, hein, on entend Sting rire après un accord de piano. Tendez bien l'oreille parce qu'on l'entend quand même assez bien. Et il faut savoir en fait que ça a été enregistré pendant l'enregistrement du coup de la chanson, mais c'était pas du tout fait exprès. En fait, c'était pas du tout prévu au départ dans la maquette. C'est juste que en fait, ils ont décidé de le garder parce que ça leur a fait rire, puisque au début de l'enregistrement, ben, Sting s'assoit sur le piano, un accord sort, il rit parce que ça l'amuse et voilà. C'est comme ça que tout est parti, puisqu'il était fatigué hein, après une nuit blanche pendant l'enregistrement, il était jeune, et oui. Et donc, sans plus attendre, on écoute Roxane de The Police, un grand standard de la musique et surtout du rock. The Police, avec donc le célèbre Sting que nous avons pu entendre. Et puis quelques mots évidemment sur Sting, quand même très très grand artiste, de son vrai nom Gordon Matthew Thomas Summer. Et en fait il a 66 ans aujourd'hui, et puis à noter d'ailleurs que concernant son surnom donc hein, de Sting, en fait Sting ça veut dire dard ou piqûre en anglais, et c'était dans les années 1970, hein, son surnom a été attribué après un concert d'un de ses groupes, les Phoenix Jasmine alors qu'il porte un pull noir à rayures jaunes sur scène. Ça a fait ainsi penser donc à la fameuse abeille et donc du coup au Dar. Et donc en fait il s'appelle tout simplement Dar. Et puis lors de la préparation de cette émission, j'ai également amusé, découvert quand même qu'il y avait un autre Sting qui existait, sauf que lui c'est un catcheur, donc c'était un petit peu différent, très très très légèrement quand même, entre le chanteur et le catcheur. À noter que Sting a été brièvement instituteur, d'ailleurs c'est bon à le savoir pour la culture générale si jamais par exemple on vous pose la question. Et puis vous avez donc entendu la fameuse chanson en tout début d'émission, sorte de générique en quelque sorte. Et bien nous allons cette fois l'entendre pour de vrai, en intégralité, la fameuse et célèbre chanson de Jean-Jacques Goldman, Quand la musique est bonne. Elle date de 1983 déjà, et c'est le premier single du deuxième album de l'artiste. Hein, il figure également Au bout de mes rêves ou Comme toi, entre autres. Et c'est une sorte d'hymne à la musique, hein, puisque au fond, on dit souvent, et hélas, depuis le décès de Johnny, on a tous en nous quelque chose de Johnny. Bien, au fond, on a aussi tous en nous quelque chose de Goldman, puisque c'est vrai que Goldman, tout le monde connaît, tout le monde adore ses chansons, et puis notamment, et depuis Les Enfoirés pour les plus jeunes, et puis pour les autres, évidemment, avant, depuis les années 1980 quand il a commencé à chanter. On écoute sans plus attendre donc Jean-Jacques Goldman, le seul, le grand et l'unique, c'est Quand la musique est bonne. Thank you. À Jean-Jacques Goldman, mesdames et messieurs, pour Quand la musique est bonne, qu'il a de 1983, une chanson que l'on connaît tous. Évidemment, on a tous en nous, je le disais, quelque chose de Goldman. Alors ça, c'était la chanson des années 1980, l'une des plus célèbres chansons. Et pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on on décrypte ensemble les plus grandes chansons françaises et internationales. On partage ensemble des anecdotes, on découvre ensemble comment ces chansons ont été composées, écrites, interprétées, les plus grandes anecdotes, les coulisses également, et ça nous permet aussi de sélectionner à chaque fois et de découvrir, voire de redécouvrir une chanson qui a eu un énorme succès dans sa propre décennie. On passe et on voyage dans le temps des années 60 aux années 2010, ça nous permet donc de pouvoir ainsi voir un petit peu l'évolution de la musique. On a fait Gilbert Bécaud tout à l'heure, on est passé à The Police, puis Jean-Jacques Goldman, et maintenant on va écouter l'une des plus célèbres chansons françaises des années 1990. L'année 1993 précisément, c'était il y a 25 ans, sortait la célèbre chanson Sensualité d'Axel Red. Axel Red, son vrai nom, Fabienne Demalle. Hein, cette chanson est issue de son premier album, Sans plus attendre. Et cet album sort en fait juste après que la chanteuse obtient son diplôme de droit dans une université belge, parce qu'elle est belge, hein, Axel Red. Alors l'album en question, il a été 5 fois disque de platine en Belgique, une fois en France, un record pour elle jusqu'à présent. Sensualité, c'est la 4e chanson de l'album. Mais c'est alors le premier album vraiment studio sorti par la chanteuse, mais c'était pas son premier album tout court, puisqu'elle a sorti un premier 45 tours intégralement en anglais. Elle avait 14 ans à ce moment-là, sous un diminutif, Fabi, pour Fabienne, et lui son prénom, avant d'adopter ce célèbre nom de scène qu'elle obtient et qu'elle a aujourd'hui. À noter que cette année, en 2018, pour son 50e anniversaire, d'ailleurs, elle sort son 8e album qui s'appelle Exil, et oui, 2018, 8, ça tombe bien, 11 chansons, dont 2 d'ailleurs qui ont un titre en anglais. Mais en attendant, on revient à la chanson française avec Sensualité, c'est bien sûr Axel Red sur RDL. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tout déjà se en douceur lentement dirigé sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment vit ça pourrait t'abonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps la j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années. C'est le fameux Sensualité d'Axel Red sur RDL. Alors, elle avait 25 ans, hein, donc, quand elle interprétait cette chanson, son premier grand succès. L'artiste français que nous allons ainsi écouter, lui par contre, en avait 31 lorsqu'il signait l'un de ses plus grands titres également. Je veux bien sûr parler du chanteur Calogero qui en 2002 sortait son single En apesanteur, et c'est cette chanson qui représente aujourd'hui les années 2000 dans notre sélection musicale du jour dans cette émission. Alors, En apesanteur, c'est le deuxième single du deuxième album de Calogero, mais on peut le dire, c'est son premier grand succès. A noter, si vous connaissez la chanson, vous connaissez peut-être le clip, il est bien évidemment en ligne comme tous sur YouTube, et ce clip est tourné intégralement dans un ascenseur où l'on voit Calogero et une actrice célèbre, une brune, si je vous dis une brune, aux cheveux longs, bon, vous allez me dire, il y en a énormément, c'est pas faux, et bien je vais vous le dire, c'est Mélanie Douté, celle qui a fait Clara Chaler il y a quelques années, la toute première qui a fait Clara Chaler, la première saison. Et bien Mélanie Douté effectivement est dans le clip, je crois même qu'ils s'embrassent, je crois, de mémoire d'ailleurs, dans la chanson. Et à noter que dans cet album, dans lequel figure En apesanteur, et bien l'avant-dernière chanson de ce deuxième album s'appelle Le plus beau jour. Il a été composé par Calogero, mais c'est pas lui qui a écrit les paroles, puisque les paroles viennent de Raphaël Haroche. Alors là, comme ça vous dit peut-être rien, et puis à juste titre d'ailleurs, parce qu'on le connaît uniquement et surtout de par son prénom. Mais vous le connaissez, parce que Raphaël, vous savez, le chanteur à qui on doit Caravane, sorti en 2005, eh bien oui, il n'était pas connu à ce moment-là, il débutait même, il avait 26 ans, il débutait dans le métier, il écrivait déjà des chansons pour les artistes du moment. Eh bien, tous les deux sont devenus des artistes du moment, et dans l'attente, dans une prochaine émission peut-être, pourquoi pas, d'entendre Caravane de Raphaël ou une autre chanson d'ailleurs de lui, aussi bien récente que un petit peu plus ancienne. On va donc, sans plus attendre, écouter celle de Calogero. Je vous le rappelle, ça date de 2002 et c'est En apesanteur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. En apesanteur. Pourvu que les secondes soient des heures. Dans cet ascenseur, elle arrange ses cheveux. J'ai le cœur juste au bord des yeux. Et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés sur les étages, pourvu que rien. En apesanteur. ascenseur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. C'était Calogero sur RDL 68 avec En apesanteur, une très très célèbre chanson donc. Et à noter Calogero, hein, qu'il s'appelle de son vrai nom Calogero Joseph Salvatore Morici. Il est né en 1971, il a débuté dans la musique en formant le groupe Les Charts en 1987 avec son frère notamment, et puis se lance dans une carrière solo en 1999 avec un premier album, puis devient populaire avec ce deuxième album donc, et dans ce deuxième album, je le rappelle, figure en apesanteur. Alors maintenant, vous le savez, on passe des années 1960 aux années 2010 pour les 6 premières chansons donc de cette émission. Ensuite, on abordera des chansons davantage un petit peu plus récentes. Et il y a 2 hommages dans cette émission que je tiens tout de même à rendre, de 2 artistes. J'allais dire chanteur, mais celui qu'on va écouter dans quelques instants, on peut pas vraiment dire que c'est un chanteur puisque c'était un DJ. Nous avons effectivement appris le vendredi 20 avril dernier que le DJ suédois Avicii est décédé à l'âge de 28 ans dans le Sultanat d'Oman, à Mascate précisément. Alors, c'était un très très grand DJ, il était classé 3e plus grand DJ en 2013, notamment après David Guetta. Il avait collaboré avec les plus grands, que ce soit justement David Guetta, mais aussi Madonna ou encore Charlie Puth. Chacun, d'ailleurs, ont mis un mot très touchant sur Twitter pour lui rendre hommage. Alors, il avait arrêté ses concerts en 2016, atteint d'une pancréatite aigu, et malheureusement il est décédé. Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, né il y a 28 ans, en 2013, il sortait son premier album intitulé True, et dans cet album il y avait donc Wake Me Up. Là comme ça, vous en souvenez peut-être pas parce que c'était il y a 5 ans, mais croyez-moi, quand vous allez entendre la chanson, vous l'avez forcément entendue parce qu'on l'a entendue un million et un million de fois en 2013 dans les radios, dans les clips aussi, les chaînes de télé qui passent exclusivement de la musique. On l'entendait partout, on a beaucoup dansé dessus d'ailleurs il y a 5 ans. On se doutait pas que le DJ allait mourir à 28 ans, pas à 27, mais à 28 ans. On écoute sans plus attendre Avicii avec Wake Me Up. C'est donc le premier hommage de cette émission. Il y en aura un autre tout à l'heure. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. C'était donc Avicii avec Wake Me Up, le premier hommage donc de cette émission pour le DJ suédois qui est donc décédé le vendredi 20 avril à l'âge de seulement 28 ans. Alors à noter que comme il était DJ, évidemment c'était pas lui que l'on entend chanter hein, dans la chanson, c'est le chanteur Aloe Black, mais on entendait, si je puis dire, Avicii derrière les platines à ce moment-là, puisque Avicii était le co-auteur, le co-compositeur avec le chanteur que l'on entend. En revanche, il était le seul producteur de cette chanson, il a plutôt bien fait de miser sur cette chanson, puisque c'est grâce à elle s'il a pu faire carrière pendant 5 ans donc seulement. C'était donc le premier hommage dans cette émission, il y en aura un second tout à l'heure pour Jacques Higelin, qui lui aussi est décédé au début du mois d'avril cette fois. Mais juste avant, je vous propose quand même de rester au sein des années 2010 avec une chanson très récente qui est sortie, le clip lui est encore plus récent que la sortie du single, puisque le clip est sorti le vendredi 20 avril dernier. C'est une chanson de Maître Gims en duo avec Vianney, la même. C'est la chanson du moment numéro 1 des ventes de singles depuis le 16 mars dernier. Le clip, je le disais, est sorti le 20 avril. C'est issu de l'album de Maître Gims, le tout dernier, hein, sorti le 23 mars, Ceinture Noire. Alors, c'est un album qui a été écrit et composé, entre autres, par le chanteur Maître Gims, mais aussi par Renaud Rebillot. C'est lui qui est le plus, on va dire, le plus fidèle hein, de Maître Gims. C'est lui qui a fait Bella et tous les autres succès d'ailleurs qui ont suivi. Et à noter que dans cet album, Maître Gims s'est plutôt diversifié, puisqu'il a demandé à Stromae, qui a participé à l'élaboration de certaines chansons, Vianney également avec cette chanson, la même. C'est vrai que c'est un duo quand même pour le moins inattendu, hein, on peut le dire quand même, puisque bon, à la limite, Maître Gims et Black M, ce sont deux rappeurs, en plus ils ont fait partie du même groupe de rap, ce sont des artistes davantage urbains, plus que Vianney, qui lui est plutôt, entre guillemets, catégorisé variété française, avec Je m'en vais, etc., etc. Alors, la réunion des deux, ça fait quand même quelque chose d'assez particulier, un mélange des genres, plutôt bien réussi, je trouve. Voici donc la même, c'est Maître Gims et Vianney. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, si je fougeais On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Voilà donc pour cette chanson que vous avez peut-être découvert ou redécouverte d'ailleurs à l'issue donc de cette émission, puisqu'il s'agissait de Maître Gims et Vianney avec la chanson La Même, single qui est sorti récemment et qui est actuellement numéro 1 des ventes avec un très très grand succès. Alors si on décortique un petit peu aussi les paroles de cette chanson, on peut quand même noter déjà deux choses. Dans le premier couplet que Maître Gims chante au début, il dit quand même une phrase qui a priori n'est pas du tout évidente à prononcer, surtout avec l'articulation, on va pas se mentir qu'on les connaît, hein. Pas où je veux aller, que les deux côtés ne me demandez pas où je veux aller, même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cases où tous nous ranger. D'habitude, on dit souvent qu'on comprend pas vraiment ce que chante Maître Gims, mais enfin là, quand même, personnellement, il faut quand même y aller pour le dire, surtout en chantant et aussi vite et aussi rapidement, parce que c'est pas évident. Et puis, autre petite surprise, en quelque sorte, que j'ai pu noter, par exemple, en lisant les paroles, cette fois, c'est dans le deuxième couplet que Vianney chante, où à la fin il dit j'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Alors Meugui, pour m'être renseigné, j'ai trouvé que c'est un langage de programmation informatique, donc, et fallait oser quand même quelque part mêler à la fois Brel et un langage de programmation informatique actuel. Mais en même temps, c'est vrai que non seulement c'est un petit peu la signature de Maître Gims, aussi de Vianney, on peut le dire, et puis en même temps c'est aussi le but de cette émission, par exemple sur RDL 68 103.5. bienvenue à ceux qui nous rejoignent, puisque on mélange en quelque sorte les gens, on reste dans la variété française et internationale, mais j'ai presque envie de dire dans une grande largesse en quelque sorte. On essaie vraiment de passer un petit peu tout, puisqu'on est passé de Gilbert Bécaud à The Police, puis Jean-Jacques Goldman, puis Axel Red, et puis là maintenant Maître Gims et Vianney. Comme quoi c'est assez inattendu comme programmation, très certainement. Et justement, une autre chanson maintenant, alors récente, mais qui regroupe de nombreux artistes, une trentaine je crois de mémoire, pour une très très belle cause, puisque vous le savez que un week-end chaque année, eh bien c'est le SIDAction à la télévision. C'était le mois dernier, en mars, et puis le SIDAction, c'est toujours en général un week-end comme ça, de mobilisation sur les chaînes de télévision, les radios également. Et il y a aussi une grande soirée proposée par France 2 avec plusieurs artistes qui reprennent des chansons sur le thème ou pas. D'ailleurs, il y a souvent un hymne, un petit peu, vous savez, comme dans les Restos du cœur. Eh bien, il y a 20 ans, sortait une célèbre chanson en 1998, donc Pascal Obispo avait faite Sa raison d'être. Et pour les 20 ans, il s'est dit pourquoi pas la refaire, la moderniser un petit peu et la faire rechanter aussi bien avec des artistes qui l'ont interprété il y a 20 ans que les nouveaux artistes du moment. Ainsi, il y a donc de mémoire Marc Lavoine, il y a Arcadiane, il y a par exemple Zazie, il y a plein de voix Vianney aussi d'ailleurs que l'on va reconnaître, plein d'artistes que vous allez forcément entendre et qui ont pris la place un petit peu de Faudel par exemple, qui n'y est pas dans cette version, et puis de bien d'autres d'ailleurs. Il y a Florent Pagny par exemple, qu'on le retrouve dans les deux versions. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est donc sa raison d'être, ça s'appelle pour les 20 ans, et vous pouvez d'ailleurs toujours appeler le 110 pour faire un don pour le site Action. Elle en a vu de toutes les douleurs, on est revenu de tant de combats, et a tellement tendu son corps, là où d'autres ont baissé les bras. Elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent dérisoires. Faire les choses parce qu'elles s'imposent, sans se demander pourquoi. Je peux faire. Peut-être une goutte dans la mer. Peut-être, oui, peut-être une goutte dans le désert. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Elle en a essuyé des yeux. Elle en a baissé des paupières. Plus en même que le ciel est bleu. Attends se pencher dans la poussière. Elle dit qu'on peut tout vous retrouver. Des excuses pour ne pas bouger. Elle préfère encore se taire et faire ce qu'elle a à faire. C'est peut-être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. C'est seulement sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. C'était sa raison d'être, donc, de Pascal Obispo, avec aussi, on l'a entendu aussi bien au début, à la fin de la chanson. Et puis, je le disais donc tout à l'heure, on a ainsi eu l'occasion d'écouter de nombreux artistes, une trentaine aussi, il y avait MC Solar notamment et Vianney notamment. Nous sommes toujours ensemble pour cette heure hein, où nous expliquons donc les chansons, les plus grandes chansons. Et puis, il y a aussi des hommages au moment, hélas, où il le faut. Tout à l'heure, on a rendu hommage à un DJ suédois et maintenant, c'est un autre hommage, un grand artiste, un grand chanteur français qui a fait beaucoup carrière hein, pendant près de 40, plus de 40 ans d'ailleurs. C'est Jacques Higelin avec sa célèbre chanson qu'on va diffuser sans plus attendre. Certainement, sa plus connue hein, d'ailleurs, c'est Tombé du ciel. En 1988, il sort donc cette chanson et il est décédé à 77 ans le vendredi 6 avril au matin. De par ses chansons phares, il y a les chansons Champagne, il y a aussi la chanson Par. Et là, sans plus attendre, on va donc écouter Jacques Higelin qui nous a tristement quittés. La chanson s'appelle Tombé du ciel et il est justement monté au ciel. Jacques Higelin sur RDL. Tombé du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert. Voilà donc pour Jacques Higelin, cet hommage donc, puisqu'il est malheureusement décédé au début de ce mois. Et d'ailleurs, c'est avec lui que nous nous quittons, puisque c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur RDL 68 au 103.5. Je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles chansons de la variété française et internationale, ainsi que découvrir les coulisses, en quelque sorte, de ces chansons. Tout de suite, c'est la programmation que vous connaissez très certainement de RDL 68. Excellente journée à tous et à très vite sur RDL 68.